Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. 9e épisode, les pionniers de l'écologie. L'enfant en fait arrive à ne pas être consommateur en fait des choses, mais à le faire de lui-même, donc justement à fabriquer toutes les tables, tout ce dont il a besoin. Faut savoir aussi leur expliquer les choses, que finalement c'est un beau moment qu'on vit, et peut-être il est pas parfait parce que on n'a pas automatiquement chaud, mais on peut se réchauffer avec le feu. La nuit, on peut avoir froid, mais on peut mettre des couches en plus. C'est comprendre qu'on peut améliorer son confort avec simplicité en n'étant pas dans la vie quotidienne où on a notre lit, notre chauffage et notre petite maison quoi, et notre toit. C'est vraiment intéressant de pouvoir lâcher tout. Le but de la sobriété heureuse, c'est de se contenter vraiment du minimum, mais d'être quand même heureux. Et finalement, quand on essaye un petit peu, on est vraiment plus heureux. Quand on est en réunion scout, on est vraiment juste entre amis, on a vraiment le strict nécessaire, donc le matériel pour manger, le matériel pour dormir. C'est une expérience de dingue, juste quitter le stress de la ville, se retrouver avec la nature, de quitter son téléphone, d'être vraiment en face de la personne, lui parler en face, de vraiment vivre avec lui. Moi, j'avais été élevée avec un confort très haut. Faut vivre pour se faire une sécurité financière, une situation sociale, c'est très important. Et là, je découvrais que j'étais plus joyeuse dans la nature avec pas grand-chose, qu'il pleuvait, on marchait, mais on était ravis parce qu'on chantait. Et que quand on était riche de ce qu'on était, de ce qu'on était devenu, à apprendre plein de chants, à rigoler avec plein de gens, à s'occuper, à faire des belles choses pour les autres, on se sentait plus riche que quand on avait beaucoup. Et qu'en plus, à une époque où l'écologie devient une urgence parce que le monde s'abîme, que pour nos enfants, on ne veut pas leur laisser une terre pourrie, le scoutisme avait des messages forts. Parce qu'on va dans des montagnes, on va aller dans des endroits un peu reculés et on retrouve finalement aussi un apport de la nature qui est très très fort. Si tu t'engages dans le scoutisme, c'est que tu as envie d'aventure, tu as envie d'un petit peu de crasse quelque part. C'est pas forcément quelque chose de gênant. En tant que scout, on est capable de vivre avec peu de choses. On fait la vaisselle avec de la cendre, par exemple, pour pas utiliser de liquide vaisselle. Ça marche très bien. Et c'est un peu réduire les exigences. Mais du coup, ça veut dire qu'on est capable de vivre sans forcément beaucoup de choses. Mais derrière, il y a vraiment un sentiment de d'air frais, quoi. C'est vraiment, on se sent chez nous, quoi. Dans la nature, on se sent bien, avec des gens sincères, quoi. C'est cool. Apprendre à vivre en société, dans ce qu'on peut appeler une micro-société quand on est sur un camp, ça aide à pouvoir s'intégrer, c'est tout le principe d'ailleurs, à une grande société qui est sa ville, son pays, le monde. Rendre le monde meilleur, c'est aussi le rendre plus beau. Et puis c'est aussi le rendre vivable. Et donc on ne peut pas s'exonérer d'avoir un regard sur le monde, sur la planète, sur ce qu'elle devient, sur cette réalité de la biodiversité, du changement climatique. On est la première génération qui comprend bien et probablement la dernière qui peut agir pour que la planète reste cette belle planète bleue avec toutes les merveilles qu'elle offre à l'humanité. Baden Powell, je pense, était un écologiste avant l'heure. Et donc cet aspect vie dans la nature ne se décline pas que dans les compétences d'apprentissage par l'action et de dire je fais des choses de mes mains et j'aime bien être vivre au grand air, mais il y a un vrai respect de la nature, des animaux, du monde qui nous entoure, qui est de plus en plus populaire et du coup je pense dans quelques années va être très très répandu. Mais si on prend, je pense, des mouvements de scoutisme dans les années 80 ou plus tôt, ça devait vraiment être des pionniers sur cette question là et même si on s'y intéresse pas forcément, le simple fait de vivre dans la nature, de savoir ce que c'est le monde qui nous entoure, en dehors de la ville, on se sent concerné du coup. Quand on apprend aux gens à aimer quand ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, à aimer vivre dans la nature, ils vont forcément comprendre qu'ils aiment vivre dans la nature parce qu'ils aiment l'environnement. Et je pense que c'est le premier pas pour ne pas avoir l'impression que l'écologie est une contrainte. Et après la sobriété, le lien à la nature et le goût pour l'écologie, le prochain épisode se place en plein dans le monde professionnel. Et oui, parce que le scoutisme, ça forme, et ça forme même très bien pour la vie de tous les jours, pour un CV béton et une émancipation certaine. C'est le programme de l'épisode 10. Merci d'avoir écouté le 9e épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique est composée par Timothée Mazurel et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Dana, Pauline, Ethan, Corentin, Béatrice, Rosanna, Ella, Gilles et Nicolas, vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.